D'après le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple, le syndicat national des enseignants de Corée du Sud a tenu le 27 mai à Séoul un meeting consacré à son 28e anniversaire pour exiger sa légalisation et l'abolition des abus dans le domaine de l'enseignement. Y ont participé plus de 5 000 enseignants.